Hey, bang bang, on fait le bilan mon ref, ça fait. J'ai fait beaucoup de mal, j'ai tellement de regrets, et qui n'en a pas, dis-moi refrain. La main sur le cœur, et j'ai tant donné, j'ai partagé mon peur, sans jamais compter. Le regard des gens me fait réfléchir sur mon trop différent, et je les entends dire, tu changeras pas, tu resteras le même. T'es comme tous ces gars, quand y'a les problèmes, hey, t'es seul dans ce monde, tu l'as bien vu, c'est ta paire de boules qui fera ta vertu. La colère compte quand t'es perdu, et c'est qu'une fois que tu coules que la haine perdure. Je me pose des questions devant le journal, des femmes assassinées, des violeurs en vie. Cette seule impression que c'est banal, des fois je crois rêver, si j'ai vraiment envie, c'est sûrement normal. Sur mon bizarre, j'ai bien trop la dalle, j'suis bien trop à part. Y'a peu d'amour, les gens se détestent. Du haut d'une tour, combien c'est fenêtres. Putain, c'est grave, je regarde mes anciens frères. Galérer comme à l'époque, 20 ans après, rien n'a changé. Autour du poignet, c'est toujours du toc. J'ai quitté ma ville, j'ai des projets secrets. Je n'ai envie, je ne vois pas l'amour. J'ai rêvé des îles, dois rester dans le vrai. Les humains sont vicieux quand ils font les sourds. On voit des hommes fracasser la bouche d'une femme pour une histoire d'égo. Un père parano, une mère trop facile. Bah ouais, ça fait des gamins débiles. Et parlons des femmes qui font les saintes, elles les cartes sans rougir. Comment lui faire confiance? Pardon mesdames, mais je connais vos feintes. Alors comment vous dire réellement ce que je pense? Ces temps-ci je galère, y'a l'album à faire. Y'a pas trop d'argent, y'a pas eu de salaire. Je suis dans la vraie vie, pas comme ces guignols. J'ai qu'un seul ami, tous les autres sont des folles. On est que deux et la puissance est là. La puissance est là. Ouais la puissance est là. On attend notre heure un peu comme Mandela. Un peu comme Mandela. Un peu comme Mandela. Si je dois partir un jour, m'attendez pas. M'attendez pas. M'attendez pas. Sur mon navire, je suis le seul équipage. Seul équipage. Je suis le seul équipage. On est que deux et la puissance est là. La puissance est là. Ouais la puissance est là. On attend notre heure un peu comme Mandela. Un peu comme Mandela. Un peu comme Mandela. Si je dois partir un jour, m'attendez pas. M'attendez pas. M'attendez pas. Sur mon navire, je suis le seul équipage. Seul équipage. Je suis le seul équipage. T'es resté sans argent, tu dors dans la merde. Y'a même pas un banc qui ferait l'affaire. Refait tes à cran quand t'as rien à perdre. T'appelles des gens, y'a rien à faire. Tu t'émerdes comme tu peux chez l'assistante sociale. Fumer de la beuh, là ça devient vital. 6h du matin, pas dormi de la nuit. Tire de trois là, t'es va rôder en ville. T'as rêvé d'une vie, c'était pas celle-là. Du coup, t'es prêt à tout, tu fais un pari d'avenir. T'as plus trop d'envie, t'es pas trop là. Les gens disent que t'es fou, tu vas jamais rebondir. T'as des projets à balle, un putain de mental. T'as baigné dans le sale et ça peut le sable. T'es de plus en plus brave, t'as serré les poings. T'es sorti des caves, t'es revenu de loin. Demain c'est loin, je l'ai toujours vu si près. Les jours se ressemblent et faut pas trop s'y fier. Politique de la peur, les gens sont affolés. J'attends pas d'être enterré sous terre à six pieds. Dur d'être heureux, facile de pleurer. Certains font les deux, ceux-là vivent à pleurer. Sois différent, n'écoute que toi-même. Même pas les anciens, ils ont déjà trop de problèmes. Punk, punk, on fait le bilan.